voix d'ourom en pleine, les yeux lourds chantent à peine, le maudit dans ses veines. Troubadour doit se taire, n'a plus qu'à se laisser faire par celui qui l'entraîne. Troubadour qui s'enterre, les mains jointes à ses rêves, pour qu'envie le retienne. Le sang fou les efface, doucement, goutte à goutte. Un ange, un ange, un ange passe. Troubadour pleure à peine, les mots doux sur les lèvres, le maudit se déchaîne. Troubadour dans sa chair ne voit plus qu'un enfer, sans chimère ni prière. Troubadour éphémère ne sait plus comment faire pour admettre ce qu'il perd. Le sang fou les efface doucement, goutte à goutte. Un ange, un ange, un ange passe. Troubadour sera bref, les yeux lourds sans appel, le maudit qui le crève. Troubadour un peu frêle pense à tous ceux qu'il laisse, à tous ceux qui restent. Troubadour qui s'éteint, tu peux te laisser faire, car une si belle lumière. Mon ami de toujours, j'écrirai sur la pierre un ange.